C. D'une société commerciale. Activité 9. Bonjour, ici l'hôtel Beaulieu. Je vous confirme votre réservation. Le samedi 27, vous aurez une chambre double avec douche et WC. Un accès à Internet est inclus. C'est gratuit. Le petit déjeuner est servi entre 7h et 10h. Il coûte 7,50 €. Vous devez vous enregistrer et prendre la chambre entre 13h et 16h. Si vous arrivez plus tard, appelez-nous au 01 42 18 93 27. Si vous arrivez en transport en commun, vous pouvez prendre le bus numéro 4. Merci.